Sur le pire, ma roue la bas, oui, ma dieu, mais t'as appelé si ou. Il a attendu, fait un empire, ou bébé, ou mon pire. Il a souri pas, mais il a cagaté la vie. Fop, fop, ou pas, fop, ou pour l'instal, ou bébé, ou pas, j'aime pas et tout, mais plein bouc, j'ajoute, il écoute un jour. Il s'est pas fait tout, ou mettez yo un jour. Vos amis ont mérité un mal un jour. My God, no empty, one shot for them. Pass a shot for them. My God, no empty, one shot for them. Pass a shot for them. Only my friend them. Straight from long time, only for friend them. A long time, a long time. Service, il n'y plus service. Ça toujours l'église, ça m'a fait qu'on dentiste. Ça pas qu'à smoke cannabis, y'a qui cigarette en libre service. Ça pas les chiffres en plus, ça qu'à vivre les deux complices. Ça sous la conquiste, mauvais conquise. En femme qui sort ici, c'est 10, bougez puis un shortis. M'en pas pour la violence, mais la manchise. Fait que bah y'a balantis. Ah, pourquoi y'a gâte? This, this. My God, no empty, one shot on them. Pass a shot on them. My God, no empty, one shot on them. Pass a shot on them. Love your salsa.